بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nous continuons cette lecture avec quelques brèves explications des leçons importantes pour l'ensemble de la communauté du Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il le récompense. Il n'a pas le même micro encore. Non. Le frère, il me dit qu'il n'a pas le même micro. Qui ça? Ben, le frère en question. Quel frère en question? C'est une publication. Non, mais c'est normal, il y a un peu de retard. Ah, ça. Et qu'il le récompense pour ce qu'il a fait pour l'ensemble de la communauté, pour les musulmans. Aujourd'hui, on va aborder les actes recommandés de la prière. Après avoir commencé à parler de la prière, de ses conditions, de ses piliers et de ses obligations. On avait parlé des conditions donc, qui commencent avant la prière, les piliers qui font partie de la prière, les obligations qui font également partie de la prière, à la différence que le pilier, si tu l'oublies, il t'est obligatoire de te présenter avec ce pilier-là, de le rattraper, en plus du fait de le réparer par les prosternations de distraction, tandis que les obligations, si tu les oublies, alors il te suffit de les réparer avec les prosternations de distraction, ce qu'on appelle sujud sahou. Et on avait vu également, et je vous incite donc à bien mémoriser ces conditions, ces piliers et ces obligations. Et également donc les actes recommandés que nous allons voir aujourd'hui, afin de pouvoir être clairvoyant concernant votre prière et savoir quand est-ce que vous avez quelque chose à rattraper, à compenser, et quand est-ce que vous n'êtes redevable de rien concernant ce que vous n'avez pas fait dans votre prière. Et avant de commencer à parler de cette 10e leçon qui concerne les actes recommandés de la prière, Sunan al-Salah, je voudrais faire une brève introduction et attirer votre attention vers un point. Ce point-là, il est dû au fait qu'il est arrivé à plusieurs reprises que certains frères, Allah yahfadhum, qu'Allah les préserve, ils m'aient posé des questions suite à des lectures qu'ils ont eues ou à des cours qu'ils ont écoutés concernant ce sujet-là. Concernant ce sujet-là. Et ils ont été amenés peut-être à lire d'autres avis. À lire d'autres avis concernant certains sujets qu'on a pu aborder. Il faut savoir, barakallahu fikum, que le sujet de la prière et que les modalités du culte, les adorations, elles sont matières à divergence. Pas toutes, mais il y a un certain nombre de questions parmi les questions liées à la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, la manière de prier, la manière de faire le jeûne, la manière de faire le pèlerinage, qui sont sujettes à quoi? À des divergences. Et ce à quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que nous, si nous voulons apprendre ces sujets-là, il faut suivre une certaine méthodologie et ne pas être dispersé dans notre apprentissage. C'est-à-dire que toi, quand tu commences à apprendre ces sujets-là, que tu commences à apprendre ta prière, que tu commences à apprendre ta manière de jeûner, ta zakat, le pèlerinage, il faut que tu sois méthodique et que tu ne te disperses pas. Et que tu commences petit à petit à découvrir et à comprendre ces sujets-là, à les assimiler, à connaître la preuve de la vie que tu es en train d'apprendre, naam, comprendre cette preuve-là, en quoi elle est une preuve qui prouve que tel acte, par exemple, est un pilier, tel acte est une obligation, que tel acte est une condition, ou que tel acte est simplement, entre guillemets, recommandé, naam, et ainsi de suite, tu évolues, sans te disperser à lire plusieurs avis, ou à chercher plusieurs avis. Car au final, tu vas être dispersé dans ton apprentissage et tu n'auras rien obtenu. Et la seule chose que tu connaîtras, lorsqu'une question se présentera à toi, c'est de dire, il y a une divergence dans cela. Et cette chose-là, il faut bien comprendre que ce n'est pas un appel au taqlid, au suivi aveugle. Et ce n'est pas non plus un appel au fait de se limiter à une seule école de fiqh. Et ça, c'est ce qu'on appelle at-tamadhub. At-tamadhub, ce n'est pas forcément réprouvé. Car il y a plusieurs sortes d'aborder at-tamadhub. At-tamadhub, c'est le fait donc de suivre un madhab. Le fait de suivre ce madhab, donc le tamadhub, dans le cadre de l'apprentissage, et le fait de le suivre et de faire de ce suivi-là un suivi aveugle. Le suivi aveugle, c'est quoi? C'est lorsque la preuve se présente à toi que tel acte, que telle parole ou que telle croyance que tu fais ou que tu profères ou que tu as est mauvaise, la preuve est établie et toi tu continues à suivre et tu persistes dans ton erreur. Là, à partir de ce moment-là, tu tombes dans quelque chose de réprouvé. Mais le fait que tu te fies à une seule école de fiqh dans ton apprentissage, dans cela, il n'y a pas de mal. Afin que ton apprentissage soit structuré, et que tu ne te disperses pas, et que tu ne t'éparpilles pas, et que petit à petit, donc, tu commences à assimiler les différents sujets. J'ai parlé de croyance là, parce que j'en étais arrivé à parler du suivi aveugle. Même si à la base, quand on parle donc de cette question-là, donc je parlais, comme je l'ai dit au début, des avis ou des questions qui sont liées au fiqh. Ça, c'est une chose que tu dois, par rapport à toi, dans ton apprentissage, dans ton cheminement, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Prends en compte aussi, barakallahu fik, la personne avec qui tu apprends. Si tu apprends avec un savant, si tu apprends avec un étudiant en sciences confirmé, peut-être que tu vas pouvoir lui soumettre d'autres avis que tu as lus, ou que tu as entendus. Et il va pouvoir t'expliquer pourquoi tel avis prévaut sur tel avis, pourquoi tel avis est plus authentique qu'un autre, pourquoi tel avis n'est pas à prendre en compte. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est habilitée à le faire. C'est un savant, c'est un étudiant en sciences confirmé, naam, un shir, peut-être, naam, et il est donc habilité à faire cette chose-là. Il faut que tu prennes en compte cette chose-là. Car lorsque tu t'adresses à quelqu'un qui ne rentre pas dans cette catégorie-là, tu risques. Tu t'adresses à quelqu'un donc qui n'est pas habilité, qui ne peut donc pas t'aider, et qui ne peut donc pas t'éclaircir sur ce sujet-là. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons juste d'expliquer de manière brève, sans s'étaler, sans rentrer dans différents avis, sans faire un exposé des différents avis, sans rentrer dans le fait de faire prévaloir un avis sur l'autre. C'est ce qu'on appelle at-tarjih. Car at-tarjih, c'est quelque chose. Ce n'est pas une mince affaire. Et c'est quelque chose de très délicat. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de suivre ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz. Et comme je l'avais annoncé, si on peut rapporter des livres de Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, non pas parce qu'on suit aveuglément ce shir, mais parce qu'il fait partie des grands savants de cette époque qui ont énormément facilité les sujets de fiqh, et qui également ont fait d'énormes efforts pour différencier et pour distinguer les avis les plus justes de ceux qui le sont moins. Donc on va rester donc dans cette lignée-là, dans le cadre juste de l'apprentissage. Puis par la suite, peut-être que d'autres avis vont se présenter à vous, dans des discussions, dans des cours que vous allez entendre, dans des livres que vous allez lire, et à partir de là, donc, petit à petit, vous allez augmenter donc vos connaissances, mais tout en restant donc méthodique et organisé. Barakallahu fikum. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage de sa religion et la mise en application de cette dernière. Revenons donc aux actes recommandés de la prière. Sunan al-Salah. Les sunan, ces actes recommandés donc, comme leur nom l'indique, ils sont recommandés, ils sont légiférés, et la personne qui va les accomplir méritera la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si elle ne les accomplit pas, ça ne remet en rien la validité de la prière en question. Si ce n'est le fait que si la personne a l'habitude de les faire, a l'habitude de faire ces actes-là qui sont recommandés à la base, il lui est légiféré, si jamais elle les oublie, il lui est légiféré de se prosterner et de faire les prosternations de distraction. Mais ça n'est pas une obligation pour lui. Mais ça reste légiféré. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit « Les actes surérogatoires de la prière sont nombreux. En voici quelques-uns. L'invocation d'investiture de la prière. Deuxièmement, poser la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et les placer sur la poitrine en position debout. Troisièmement, lever les mains au niveau des épaules ou des oreilles sans écarter les doigts durant le premier takbir. Au moment de s'incliner, en se relevant de l'inclinaison, et en se relevant de la position assise de tashahhud pour la troisième unité de prière. Quatrièmement, les invocations supplémentaires durant l'inclinaison et la prosternation. Cinquièmement, les invocations supplémentaires après la formule Rabbana wa lakal hamd. Ô Seigneur, à toi la louange, que l'on dit après s'être relevé de l'inclinaison. Sixièmement, les invocations supplémentaires après la demande de pardon entre les deux prosternations. On avait vu donc fait de dire Rabbir firli. Septièmement, aligner tête et dos durant l'inclinaison. Huitièmement, dissocier les bras des côtes et le ventre des cuisses durant la prosternation. Neuvièmement, surélever les avant-bras par rapport au sol durant la prosternation. Dixièmement, s'asseoir sur le pied gauche et relever le pied droit, tenant sur ses orteils durant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Onzièmement, passer le pied gauche sous le tibia droit. Relever le pied droit tenant sur ses orteils et s'asseoir sur son postérieur. Et c'est la position qu'on appelle Et-Tawarruk durant le dernier tashahhud. Douzièmement, invoquer Allah en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et appeler ou invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il attribue ses bénédictions sur lui ainsi que sur sa famille, mais aussi sur Ibrahim et sur sa famille dans le premier tashahhud. Treizièmement, invoquer Allah dans le dernier tashahhud. Quatorzièmement, réciter le Coran en haute voix durant la prière du Fajr et dans les deux premières unités de prière du Maghrib et de l'Isha. Quinzièmement, réciter le Coran en voix basse durant les prières du Zohr et du Asr, mais aussi durant la troisième unité de la prière du Maghrib et les deux dernières unités de la prière de l'Isha. Seizièmement, réciter d'autres versets en plus de la Surat al-Fatiha. Et le shir donc de dire qu'on vient enfin de prendre en compte tous les actes surérogatoires non cités ici et qui nous ont été transmis. C'est-à-dire qu'ils ont été transmis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour parler donc de ces actes surérogatoires, de ces actes recommandés de la prière, sunan al-salah, on va aborder certains points qui sont autant d'actes recommandés. On a vu que le premier acte recommandé, et on a défini ce qu'est un acte recommandé, et la différence qu'il y a entre un pilier, une obligation et un acte qui est recommandé. Le premier donc c'est l'invocation d'investiture de la prière. Comme cela a été rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. D'après Aïcha dans un hadith qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Aïcha donc qui rapportait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait au début de sa prière, et c'était là donc Dua ou l'istiftah, l'invocation d'investiture, d'ouverture de la prière, Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka smuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. Wa la ilaha ghayruk. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Pureté et louange à toi, ô Allah. Wa tabarak asmuka. Que ton nom soit béni. Wa ta'ala jadduk. Et que ton immensité soit proclamée. Wa la ilaha ghayruk. Et nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est toi. Donc tu retrouves dans cette invocation, la proclamation, l'affirmation de la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, de ses louanges, le fait de proclamer la pureté d'Allah, le tasbih, c'est-à-dire subhanak Allahumma, ça signifie que tu proclame qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute imperfection, de tout défaut. Et le fait que tu proclames sa louange, ça revient à lui attribuer tout type de perfection. Donc tu réunis dans cette parole-là le fait de proclamer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute imperfection et également le fait de lui attribuer tout type de perfection. Que ton nom soit béni et que ton immensité soit proclamée. Wa la ilaha ghayruk, et nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est toi. Et c'est là la parole du tawhid, la parole de l'unicité. Deuxième acte recommandé, je dis acte et en vérité, à chaque fois je dis acte et en vérité, donc il y a des actes et des paroles, na'am. Mais donc, de manière générale, on va dire les actes qui sont recommandés. Parmi ces actes-là, il y en a qui sont des paroles, c'était le cas du premier, et il y en a d'autres qui sont des actes purs, c'est-à-dire des actes des membres. Parmi ceux-là, donc, le deuxième, poser la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et les placer sur la poitrine en position debout, conformément à ce qui a été rapporté par Ibn Khuzaima, rahimahullah ta'ala, d'après Wa'il ibn Hujr, qui disait, radiyallahu an, qu'Allah l'agrée, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il posa sa main droite sur sa main gauche, le tout sur sa poitrine. Sa main droite sur sa main gauche, et le tout sur sa poitrine. Et ce hadith, donc, il est valable du fait donc des différentes variantes qui témoignent de ça. Du fait qu'il est pris en compte. Comme l'a dit le Cheikh Al-Albani dans son livre Ahkam al-Janaiz. Dans son livre Ahkam al-Janaiz. Et comme vous le savez, un hadith peut être authentique, il peut être fiable, hasan, et il peut être faible. Et c'est possible qu'un hadith il soit faible, et du fait qu'il soit rapporté par, et qu'il ait plusieurs versions, ça en fait un hadith qui est pris en compte et qui est valable. Donc ici c'est le cas du hadith de Wa'il ibn Hujr. Donc on retient que parmi les actes recommandés de la prière, le fait de placer sa main droite, de poser sa main droite sur sa main gauche, le tout sur la poitrine, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, lever les mains au niveau des épaules et des oreilles, sans écarter les doigts durant le premier takbir. Durant le premier takbir, au moment de s'incliner, donc durant le premier takbir, c'est le premier moment, au moment de s'incliner, et troisièmement, en se relevant de l'inclinaison, et quatrièmement, en se relevant de la position assise du tashahhud. En se relevant de la position assise du tashahhud. Concernant les trois premiers, on retrouve dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains au niveau des épaules durant les trois premières étapes de la prière que j'ai citées. Le premier takbir, au moment de s'incliner, au moment de faire le rukou, et le troisième en se relevant de l'inclinaison. Et dans une autre version du hadith, rapportée par Al-Bukhari, est lorsqu'il se relevait des deux unités de prière. C'est-à-dire lorsqu'il se relevait du premier tashahhud. et qu'il se relevait donc pour accomplir la troisième unité de prière, à ce moment-là, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il levait également les mains jusqu'au niveau des épaules. Jusqu'au niveau des épaules. Et le Cheikh Ibn Baz, il a également cité les oreilles. Ce qu'il a dit au niveau des épaules ou des oreilles. Comme cela a été rapporté d'après, comme cela a été rapporté par Muslim, d'après Malik Ibn al-Huwayrith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait, lors du takbir, qu'il levait ses mains jusqu'au niveau des oreilles. Donc on a deux possibilités. Les deux font partie de la sunna, et sont recommandés, le fait que tu le fasses au niveau des épaules, ou que tu le fasses au niveau des oreilles. Naam, au niveau des oreilles. Parmi les particularités d'assister à un cours, c'est que parfois justement, alhamdoulilah, il y a des choses que tu as besoin d'expliquer et de montrer, alhamdoulilah, la personne elle peut les voir. Et si la personne elle se contente de la retransmission, naam, elle ne peut pas s'en rendre compte. Pareil, si elle est là et qu'elle dort. Si elle assiste mais qu'elle dort, également elle ne peut pas y faire attention. Naam. Deux choses ici qu'on peut citer. Quand on dit que les deux sont recommandés, ça ne veut pas dire que tu vas le faire en même temps. Par exemple, que tu vas le faire au niveau des épaules, et qu'ensuite tu vas monter au niveau des oreilles, et qu'ensuite tu vas faire ton takbir, ou l'inverse. C'est pas ça qui est voulu. Mais de temps en temps tu fais au niveau des épaules, et à d'autres moments tu fais au niveau des oreilles. Également, quand on dit au niveau des oreilles, ce n'est pas en touchant les oreilles, ou en posant ses pouces sur le lobe des oreilles. Naam. En faisant comme ça, comme on peut parfois le voir. Naam. Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce n'est pas ça qui est voulu, mais c'est bel et bien au niveau des oreilles. Et ce n'est pas le fait de toucher le lobe des oreilles qui est voulu par cela. Quatrièmement, toujours parmi ce qui est recommandé, parmi les actes recommandés, et cette fois ça fait partie en réalité des paroles, les invocations supplémentaires durant l'inclinaison et la prosternation. Les invocations supplémentaires durant l'inclinaison et la prosternation. On avait vu que pendant l'inclinaison, il était obligatoire de dire une certaine invocation. Qui c'est qui peut nous la rappeler? Tout le monde la connaît normalement, puisqu'il est censé la dire dans chacune de ses prières. Naam? Naam? Durant l'inclinaison. Subhana Rabbi al-Azim. Naam. Subhana Rabbi al-Azim. On avait vu que le minimum obligatoire, c'est quoi? Combien de fois? Abadr al-Din. Naam? Durant l'inclinaison, al-Ruku'. Tu dois dire Subhana Rabbi al-Azim. C'est une obligation. Le minimum obligatoire, c'est combien? On avait vu donc. Badr al-Din, donc, a dit trois fois, donc on avait vu, pour notre part, donc une fois. On avait vu donc que c'était une fois, barakallahu fikum. Et également pour, également, il n'y a pas de mal. Et également pour la prosternation. On avait vu que la formule d'évocation qui est légiférée à ce moment-là, qui est obligatoire de dire, c'est quoi? Subhana Rabbi al-A'la. Un minimum, donc, d'une fois. Également, tout ce que tu vas rajouter à cela, ça reste du domaine du recommandé. Naam. Et ça ne fait plus partie de l'obligatoire. Cinquièmement, cinquième acte recommandé qui en vérité est une parole, fait partie des paroles. Les invocations supplémentaires après la formule Rabbana wa lakal hamd. Rabbana walakal hamd, que l'on dit après s'être relevé de l'inclinaison. Que l'on dit après s'être relevé de l'inclinaison. Et on avait vu que Rabbana walakal hamd, ça concerne qui? Étant donné qu'on avait dit que la personne qui prie, elle est dans une des trois situations suivantes. Soit c'est un imam, Soit c'est quelqu'un qui prie tout seul, soit c'est quelqu'un qui prie derrière l'imam. L'obligation de dire Rabbana wa lakal hamd lorsque tu te relèves du roukour, après que l'imam ait dit Sami'a Allahu liman hamida, ça concerne qui? Ça concerne Zuhair? Ça concerne les trois types de personnes. Celui qui est imam, celui qui prie tout seul, et également celui qui prie derrière l'imam. Naam. Et ce que tu vas rajouter parmi les invocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cela, ça rentre dans le domaine de ce qui est recommandé. Des actes recommandés, des paroles recommandées dans la prière, comme l'a rapporté l'imam muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri, c'est l'invocation Allahumma Rabbana lakal hamd ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو الله notre Seigneur, à toi la louange de l'équivalent des cieux et de la terre et de l'équivalent de ce que tu veux après cela. Toi, le digne d'éloge et de gloire, c'est là la plus véridique des paroles que puisse dire un serviteur. Et nous sommes tous tes serviteurs, ô Allah. Nul ne peut priver de ce que tu donnes, et nul ne peut dispenser ce dont tu prives, et le fortuné ne se trouve dans sa fortune, et le fortuné ne trouve dans sa fortune aucune protection contre toi. Donc, à nouveau, tu retrouves dans cette formule d'invocation, tu retrouves le fait de proclamer l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de proclamer l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième acte recommandé, vous le retrouvez tous. C'est pour ça que je me permets d'avancer vite, car toutes ces choses-là, vous les retrouvez dans le texte, et vous le retrouvez également dans le commentaire que je vous incite de lire. Sixième acte recommandé, qui fait partie des paroles, les invocations supplémentaires après la demande de pardon entre les deux prosternations. Les invocations supplémentaires après la demande de pardon entre les deux prosternations. Étant donné qu'on avait vu que parmi les actes obligatoires de la prière, il y a le fait de dire Rabbi Firli au minimum une fois entre les deux prosternations, Naam. Ce que tu vas rajouter de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fera partie des actes recommandés, des paroles recommandées. Parmi cela, donc, il y a ce qu'a rapporté Abu Daoud, Al-Tirmidhi et Ibn Majah, et la version, elle est de Abu Daoud. D'après Ibn Abbas, et le Sheikh Al-Albani l'a également authentifié, c'est le fait de dire Allahumma ghfirli warhamni وَهْدِنِي وَعَافِنِي وَرُزُقْنِي اللهم اغفر لي وارحمني وَهْدِنِي وَعَافِنِي وَرُزُقْنِي Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi la santé et une bonne subsistance. Et une bonne subsistance. Ça c'est la version d'Abu Daoud, et il y a d'autres versions dans lesquels tu vas trouver donc des compléments que vous pouvez trouver donc dans les livres d'invocation qui ont été écrits à cet effet. Septième acte recommandé de la prière, le fait d'aligner tête et dos durant l'inclinaison. Le fait d'aligner tête et dos durant l'inclinaison. On avait vu dans le fameux hadith de la personne qui avait mal accompli sa prière, qui a été rapporté par les sept traditionnalistes, l'imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. On avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à cette personne qui avait mal accompli sa prière puis incline-toi jusqu'à te stabiliser, puis incline-toi jusqu'à te stabiliser en position, donc, inclinée. Jusqu'à te stabiliser en position inclinée. Donc, jusqu'à ce que tu sois stabilisé, ça c'est d'une part. Deuxièmement, Al-Bukhari a rapporté dans son livre Juz'u Raf'u al-Yadayn, ainsi que Abu Daoud al-Tirmidhi et Ibn Majah, il s'est authentifié par Sheikh al-Albani, le hadith d'Abu Humayd al-Sa'idi, qui dit que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a s'incliné, il se stabilisait et ni ne baissait la tête ni la levait. C'est-à-dire qu'il était stabilisé et sa tête ni il la baissait ni la levait. Et donc, il restait droit. Naam ? Qui c'est qui veut nous ? Abdussalam ? Montre-nous comme ça on se met. Qui c'est qui veut nous ? Yallah, Touhami. Mets-toi vers là. Donc tout droit, comme vous voyez là, et la tête ici, également donc, dans le prolongement, ni baisser la tête, et ni la lever. Mais donc il restait droit. Et dans un hadith, même il est mentionné à tel point que tu pouvais verser de l'eau sur son dos. Donc tu restes droit, et ta tête tu l'alignes. Ni tu la baisses, ni tu la remontes. Tu restes donc bien aligné. Barakallahu fikoum. Vous avez tous vu ? Salim. Tout le monde a vu ? Naam. Donc naam, bien faire attention dans ta prière. Et j'attire à nouveau votre attention, barakallahu fikoum, vers le fait que ce n'est pas parce qu'on dit que ce sont des actes seulement. J'ai utilisé cette expression tout à l'heure, seulement recommandé, c'est par rapport aux autres, à ceux qui font partie des piliers, à ceux qui font partie des obligations. J'ai dit donc c'est seulement recommandé. Mais ce n'est en rien pour diminuer de la valeur de ces actes-là et de ces paroles. Car plus ta prière ressemble à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus elle est parfaite. Et c'est un but à chercher à atteindre. Donc justement, est-ce que notre prière, dans son apparence et également dans tout ce qui est intérieur, ça ressemble au maximum à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce qui est apparent, également dans tout ce qui concerne la concentration, l'humilité dans la prière. Ça doit être quelque chose qu'on doit chercher à imiter. Même si on sait qu'on n'y arrivera pas. Et qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là. D'humilité, de concentration, de perfection dans la prière. Mais tu cherches donc à imiter du mieux que tu peux, en te basant sur le principe « Tashabbah bil qawmi wa illam takum mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu » Cherche à ressembler aux nobles gens, même si tu n'es pas comme eux, car le fait de chercher à ressembler aux nobles gens est une cause de réussite. Qu'est-ce qu'il en est si on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et les compagnons, lorsqu'ils voyaient qu'un acte était un acte méritoire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les incitait à le faire, ils s'empressaient de le faire. Et peu importe qu'il soit obligatoire ou simplement recommandé. Ce qui les importait, c'était d'agir. Car ils savaient que dans cela, il y avait la félicité, la réussite, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis si il se passe quelque chose dans ton acte, quelque chose que tu n'as pas fait, que tu as oublié à ce moment-là, c'est là qu'il est important de connaître ce qui est obligatoire, de ce qui est recommandé. Mais ça ne doit pas entrer en compte lorsqu'il s'agit d'agir. Lorsqu'il s'agit d'agir et de mettre en application. Huitième acte recommandé, dissocier les bras des côtes et le ventre des cuisses durant la prosternation. Dissocier les bras des côtes et le ventre des cuisses durant la prosternation. Et il a été rapporté de Al-Bukhari et de Muslim qu'Ibn Buhayna a dit, et lorsqu'il se prosterna, ou lorsqu'il se prosternait, excusez-moi, c'est-à-dire en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écartait ses bras de ses côtes jusqu'à ce que l'on voit la blancheur de ses aisselles. Donc il écartait les bras, il est dissocié de ses côtes. Na'am, les bras, il est dissocié ici de ses côtes. Na'am, afin, à tel point que on pouvait voir la blancheur de ses aisselles. Et Abu Daoud a rapporté du hadith de Abu Humaid, auquel j'ai fait référence précédemment, qu'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, il écartait ses cuisses sans que son ventre ne touche ses cuisses. Na'am. Il les écartait quelque peu, et également, son ventre ne touchait pas ses cuisses, dans le sens où il n'était pas recroquevillé sur lui-même. Na'am. Et ce hadith-là, comme je l'ai dit, donc il est rapporté par Abu Daoud, et le Cheikh Al-Albani dans son livre Irwa al-Ghalil, il a, dans un premier temps, affaibli ce hadith, en disant qu'il était faible. Puis à la fin de son argumentation, de son développement, il a dit qu'il est possible qu'il dispose d'autres voies qui le consolident et qui pourraient donc éventuellement faire un hadith qui est à prendre en compte. Mais donc, il n'a pas été affirmatif. De la même manière que tu trouveras que dans son livre Sifatu Salat al-Nabi, Na'am, tu trouveras qu'il n'a pas cité ce hadith. Ce qui est peut-être un signe que il ne le considérait pas comme étant authentique. Et peut-être que ça nécessiterait de revenir à Aslu Sifat Salat al-Nabi. Comme vous savez, il y a Sifat Salat al-Nabi qui est connu, donc de taille moyenne. Na'am. Il y a également son résumé, qui est donc de petite taille. Et il y a également Aslu Sifat Salat al-Nabi, qui est en trois volumes, dans lequel le Cheikh il a développé quant au degré d'authenticité des hadiths, et il a rapporté donc des enseignements supplémentaires. J'ai pas eu l'occasion de regarder dedans, peut-être qu'on pourrait y trouver d'autres informations concernant ce hadith. Donc ce hadith, peut-être qu'on y laisse un petit point d'interrogation, mais c'est le hadith donc sur lequel en général on se base pour dire cette chose-là. À savoir donc le fait d'écarter également légèrement donc les cuisses sans que le ventre ne touche les cuisses, donc en dissociant le ventre des cuisses sans être recroquevillé dans la prière. Et également cela implique de surélever les avant-bras par rapport au sol durant la prosternation. Et ça c'est le neuvième des actes recommandés. Le fait de surélever les avant-bras par rapport au sol durant la prosternation. Na'am. Donc, d'une part, tu écartes les bras de tes côtes à tel point qu'on voit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait à tel point qu'on voyait la blancheur de ses aisselles, sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il est rapporté le fait donc de surélever les bras par rapport au sol, et de ne pas donc les poser, et de ne pas les poser à même le sol. Car là, ça rentre dans les actes qui sont réprouvés dans la prière, à savoir le fait de se prosterner, la prosternation du chien. Prosternation du chien, donc, qui colle ses avant-bras au sol. En plus de dissocier tes bras de tes côtes, tu dois également surélever les avant-bras du sol. Et ici, donc, il faut attirer l'attention vers le fait qu'il faut prendre en compte aussi, quand tu pries en congrégation, des gens qui sont à côté de toi. Non. Et que tu ne vas pas écarter les bras quand tu pries tout seul, de la même manière que tu vas le faire quand tu es à côté de quelqu'un. Car certes, il fait partie de la sunna de faire cette chose-là. Non. C'est un acte recommandé. mais également le caractère sacré du musulman qui est à côté de toi, il est encore plus en droit d'être respecté. Naam. Surtout dans sa prière. C'est-à-dire, ne va pas faire un acte qui est recommandé, et en faisant cet acte recommandé-là, tu fais un acte qui est interdit, à savoir celui de gêner un musulman, surtout si c'est dans un de ses actes d'adoration. Donc c'est également quelque chose à prendre en considération. Barakallahu fikum. Onzième acte recommandé, le fait de passer le pied gauche. Le dixième, excusez-moi. Le fait de s'asseoir sur le pied gauche et relever le pied droit, tenant sur ses orteils durant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Durant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. On avait bien dit que le premier tashahhud, on parle du premier tashahhud lorsque il y en a un second. Le troisième, à la fin de la troisième unité de prière d'une Maghreb par exemple, ou de la quatrième unité de prière de la prière de Dhuhr, la de l'Asr, ou de l'Isha. Et ça concerne également le tashahhud quand il est unique, à savoir dans les prières à deux unités. À deux unités de prière. Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Humayd, radiallahu anhu, qui disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait à la fin de la dernière unité de prière, il avançait quelque peu son pied gauche et dressait l'autre pied. Il aurait fallu prendre le mimbar et le poser là et que quelqu'un fasse la prière dessus pour que tout le monde puisse voir. Mais al-muhim, ton pied, je ne sais pas comment expliquer quelque chose, tu fais avec les pieds, avec les mains. Même si on m'a dit que j'arrivais bien à expliquer avec les mains, que je faisais beaucoup de gestes, mais là, c'est un peu compliqué. Tayyib, ala kulli hal. Tu avances quelque peu dans ton pied, na'am, et tu t'assois dessus. Tu t'assois dessus. Surtout que là, vous m'excusez, mais je suis passé en fait au 11e point. Je suis passé au 11e point. J'ai lu le 10e et je suis reparti au 11e. Tayyib. On reprend. On a dit le 10e point, c'était quoi? On a dit que le 10e point, c'était quoi? Non. En même temps, je me suis amené les pinceaux, mais vous n'avez pas attiré mon attention vers ça. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes amené les vôtres. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Le dixième, donc, c'est le fait de s'asseoir, on reprend, c'est le fait de s'asseoir sur le pied gauche et relever le pied droit, tenant sur ses orteils durant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Naam. Il a été rapporté par Al-Bukhari, dans le hadith qu'on a déjà cité tout à l'heure, le hadith de Juz Raf'il Yadayn. Donc c'est différent rapporté par Al-Bukhari, mais ce n'est pas dans le recueil authentique d'Al-Bukhari. Par Abu Daoud, Al-Tirmidhi et Ibn Majah, c'est authentifié par Sheikh Al-Albani d'après Abu Humayd, qui disait, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il pliait son pied gauche, na'am, et s'asseyait dessus. Donc ça c'est, comme on l'a dit, à quel moment? Au moment de, entre les deux prosternations. Entre les deux prosternations. Donc ton pied gauche, il est comme ça, tu t'assois dessus, na'am, tu t'assois dessus sur ton pied gauche, et ensuite, l'autre pied, il est dressé. L'autre pied, il est dressé avec l'avant, avec les bouts des pieds, donc les orteils, qui sont en direction de la Qibla. Donc ça fait comme ça, toi t'es assis sur ton pied gauche, na'am, que tu as plié, na'am, c'est-à-dire que tu as orienté vers l'intérieur, et toi tu t'es assis sur ton pied gauche, na'am bu'alam, et tu t'es assis, et tu as dressé ton pied droit, en mettant tes orteils, en direction de la Qibla. Al-Bukhari, il l'a rapporté, dans son recueil authentique, toujours d'après Abu Humayd, et lorsqu'il s'asseyait à la fin des deux unités de prière, Il s'asseyait sur son pied gauche et dressait le droit. Donc, à nouveau, on retrouve ce principe-là, cette position-là, de t'asseoir sur ton pied gauche et de dresser ton pied droit, ce qui implique donc de diriger tes orteils vers la Qibla. Non, moi, je montre vers là parce que je suis dans cette direction, mais vous avez compris, c'est ici. Non. Taïb, 11e acte recommandé. Passez le pied gauche sous la tibia droit. Relevez le pied droit tenant sur ses orteils. Non. Et s'asseoir sur son postérieur. En arabe, at-tawarruk. Khalas. Non, il n'y a pas de toutes ces complications. Non. Après, quand tu viens l'expliquer, non, tu l'expliques. Non. Mais sache qu'en arabe, c'est at-tawarruk. Non, c'est at-tawarruk. La position dite de tawarruk durant le dernier tashahhud. Al-Bukhari a rapporté, donc on revient au hadith que tout à l'heure j'ai cité, je m'étais avancé. Non, et j'avais versé le point 11 et le point 10. Al-Bukhari a rapporté dans son recueil authentique d'après Abu Humayd. Et lorsqu'il s'asseyait à la fin de la dernière unité de prière, il avançait quelque peu son pied gauche et dressait l'autre pied et s'asseyait sur son postérieur. Il avançait quelque peu son pied gauche. C'est-à-dire qu'à la base, le pied gauche sur lequel, Ismaïl, le pied gauche sur lequel à la base, tu t'étais assis, quand ? Entre les deux prosternations et à la fin des deux unités de prière. Tu étais assis sur ton pied gauche. Là, ce pied gauche, tu l'avances. Ça fait que tu vas t'asseoir sur ton postérieur. Naam. Sur ta fesse gauche qui va toucher donc, qui va toucher le sol. Naam. Et ensuite, avec l'autre pied, tu vas le dresser, c'est-à-dire le pied droit. Tu vas le dresser comme on l'a expliqué précédemment. Et c'est ça ce qu'on appelle le tawarruk. Il y a différentes manières de faire le tawarruk et on aura l'occasion donc de les aborder incha'Allah ta'ala. Et ça c'est important de citer parce que parfois tu as des frères, ils font le tawarruk à l'envers. C'est-à-dire qu'ils s'assoient sur leur fesse droite et ils dressent leur pied gauche. Naam. Ce qui fait que toi, tu es à côté de lui. Tu es à sa gauche. Si tu fais le tawarruk correctement, la personne va te gêner. La personne va te gêner. Donc c'est important d'apprendre, déjà pour nous, et également d'enseigner. D'enseigner ces choses-là, la manière authentique d'accomplir la prière du prophète, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'enseigner bien sûr avec douceur. Car la sunna, elle s'enseigne avec douceur. Et comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la douceur n'a pas été mêlée à une chose sans l'embellir. De même que la dureté n'a pas été mêlée à une chose sans l'enlaidir. Et donc la sunna, il faut qu'on fasse en sorte de l'expliquer de la manière la plus douce possible, surtout avec les gens du commun. Parmi les anciens, ou les plus jeunes, qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'apprendre la manière d'accomplir la prière et qui peut-être l'ont hérité de leurs parents, ou qui parfois l'ont apprise tout seul, et qui donc ont certaines incompréhensions, ou ignorent certaines choses, il faut, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé le bienfait de connaître cette chose-là, alors fais-leur partager de la meilleure des manières. Par exemple, dans la prière, même si Allahul Musta'an, on est négligent à ce niveau-là. Et parfois, qu'Allah nous pardonne, on est peut-être transgresseur et pécheur dans cela. Car il y a des choses qui sont plus que du domaine du recommandé. Des personnes qui accomplissent la prière en congrégation, dans la mosquée, qui n'ont pas réuni les conditions. Tu trouves que la awra, ou que ce qu'ils ont à cacher durant la prière n'est pas dissimulé. Il faut les prévenir, il faut les avertir. Il faut leur dire, gentiment, tu le prends à part, tu attends la fin de la prière, peut-être tu le suis pour qu'il n'y ait plus grand monde. Non, tu choisis la manière la plus à même de le voir accepter dans ton conseil, et tu lui dis, et également si ça touche aux piliers, aux obligations, à la manière de rattraper la prière. Tu veux lui faire profiter d'un acte recommandé de la prière. Tu vois qu'il ne le fait pas. Ou tu vois que, au lieu de faire un acte recommandé, il fait un acte qui est réprouvé. Ou tu vois qu'il fait quelque chose qui dérange les gens dans la prière. Non, il faut qu'on s'entraide. Et il faut qu'on se conseille mutuellement. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Et de le fait de dépasser justement cette gêne qu'on a. Et au contraire, le fait de rappeler ces choses-là, c'est quelque chose qui fait vivre ton cœur. Car c'est une adoration. Et comme on le sait, la foi c'est quoi? C'est une croyance du cœur, parole avec la langue, des actes avec les membres, ça augmente. Par quoi? Par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça augmente par l'obéissance à Allah, ça augmente par les adorations. Et parmi les adorations, être de bons conseils avec les gens. Ordonner le convenable. Interdire le blâmable. Tout cela, bien sûr, basé sur la science et la justice. La science et la justice. Toi, tu as appris ces choses-là. Cherche à bien les assimiler, à les maîtriser, pour en faire profiter également autour de toi. Na'am. Donc ça, c'est ce qu'on appelle at-tawarruk. Le fait que tu avances ton pied gauche sur lequel tu t'étais assis entre tes deux prosternations, sur lequel tu t'assois à la fin des deux unités de prière pour le premier tashahhud, là pour le dernier tashahhud, si il y a deux tashahhud dans ta prière, le dernier des deux tashahhud, na'am, tu vas faire la position, tu vas te mettre en position de tawarruk, tu vas avancer donc ton pied gauche, poser ta fesse gauche par terre et dresser ton pied droit. Douzième acte recommandé, le fait d'invoquer Allah en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le bénisse ainsi que sa famille. Dans le commentaire ici, le frère qui a traduit, Hafidhahullah, wa jazahullahu khayra, qu'Allah le préserve et le récompense, il a traduit, As-salatu wa tabriku ala Muhammad, et il a dit, invoquer Allah en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc pour traduire As-salat, ce qui est correct, walhamdulillah. Par contre, par la suite, il a dit, wa tabriku, il a dit, et appeler ses bénédictions. Pour ma part, j'éviterai cette traduction-là. Pour ma part, j'éviterai cette traduction-là. Pour quelle raison? Étant donné que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que tu t'adresses pour qu'il dispense ses bénédictions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille. Et le fait de dire et appeler ses bénédictions, ça pourrait induire en erreur, même si ce n'est pas ça qui est voulu, mais ça pourrait induire le lecteur en erreur, à savoir qu'il pourrait penser qu'il doit appeler les bénédictions en elles-mêmes. Les bénédictions en elles-mêmes. Or, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que tu demandes de bénir telle ou telle chose, ou telle personne. Na'am. Donc, Wallahu a'lam, j'émettrai donc un doute sur la valeur de ce petit passage donc de la traduction, et je préférerais pour ma part donc le formuler autrement. Wallahu a'lam. Ainsi que sur sa famille, mais aussi sur Ibrahim et sur sa famille dans le premier tashahhud. Et on avait dit que de manière générale, on avait vu que le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça faisait partie dans la prière, donc des actes recommandés, que ce soit dans le premier tashahhud ou dans le second. Et on avait argumenté concernant cela, vous retournerez à vos notes. Si nécessaire. 13e point, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier tashahhud. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier tashahhud. C'est-à-dire après avoir fait ton tashahhud, et on a vu le cours dernier justement la formule du tashahhud, et je pense que vous la connaissiez déjà, et que vous avez eu l'occasion de la réviser la semaine dernière. Et pour ceux qui avaient certains oublis dedans, certaines petites erreurs peut-être qui s'étaient glissées, ils ont eu l'occasion de rectifier cela la semaine dernière. Et on avait vu également, dans un hadith d'Ibn Mas'ud, Na'am, également dans un hadith d'Abu Huraira, on avait vu qu'il est bon et qu'il est recommandé de rajouter à cela des invocations. Parmi ces invocations-là, nous avions vu le fait de demander la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre quatre choses. Qui c'est qui nous les rappelle? Ces quatre choses-là. Naam. Alors, contre le sentiment du feu, le sentiment de la tombe. Naam. L'épreuve de la vie et de la mort. Naam. Et l'épreuve du faux messie. Et l'épreuve du faux messie. Donc, le fait de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment du feu, le châtiment de la tombe, l'épreuve, la tentation de la vie et de la mort, et également contre la tentation du faux messie, Al-Masih al-Dajjal. Et également, il y a, après cela, la possibilité d'invoquer et de choisir les invocations que l'on souhaite, comme on l'avait vu dans le hadith d'Abu Bakr, rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait orienté Abu Bakr vers le fait de dire « Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfirata min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim » ou également le hadith de Mu'ad dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, après lui avoir dit qu'il l'aimait pour Allah, il lui a dit ne délaisse pas à la fin de chacune de tes prières le fait de dire Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Et de manière générale, donc il est recommandé et légitime, légiféré, d'invoquer donc à la fin de la prière, après le dernier tashahhud. 14e acte recommandé, le fait de réciter le Coran à haute voix durant la prière du Fajr et dans les deux unités de prière du Maghrib et de l'Isha. Et le 15e, réciter le Coran à voix basse durant les prières de Dhuhr et de l'Asr, mais aussi durant la 3e unité de la prière de l'Maghrib et les deux dernières unités de la prière de l'Isha. Et concernant donc le fait de réciter à voix haute durant les unités de prière qu'on a citées, qu'on a lues de la parole donc, de Cheikh Ibn Baz, il faut savoir qu'il y a un consensus à ce sujet qui a été rapporté par l'imam al-Nawawi, al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Et comme vous le savez, les preuves religieuses sont au nombre de 4. Le Coran, la Sunna, al-Ijma', le consensus, l'avis unanime, l'accord unanime des savants, et également al-Qiyas, l'analogie. Également al-Qiyas, l'analogie. Ça veut dire quoi l'analogie? On aura l'occasion, Inch'Allah, d'y revenir plus tard, Inch'Allah, pour pas se retarder, pour avoir le temps de finir avant l'Asr. On aura l'occasion de réexpliquer ça, Inch'Allah ta'ala. Et le 16e point, qu'a cité le Shir, réciter d'autres versets en plus de la sourate al-Fatiha. Ibn Qudama a dit dans son livre Al-Mughni, Al-Nawawi, donc on vient de citer. C'était un grand savant parmi les savants du rite de l'imam Shafi'i, de l'école de fiqh de l'imam Shafi'i. Et sa parole, donc, quand il a rapporté ce consensus, ce ijma', il est tiré de son livre Al-Majmou', qui est une référence. Et Ibn Qudama, qui est un grand savant parmi les savants du rite Hanbalite, qui cette fois-ci donc, a dit dans son livre Al-Mughni, qui est une référence également, il a dit, nous ne connaissons pas de divergence quant au fait qu'il est recommandé de lire une sourate en plus de la Fatiha dans les deux premières unités de prière. Donc il a dit, nous ne connaissons pas de divergence dans cela. Même si cette chose-là, donc c'est un peu en dessous du fait de dire qu'il y a divergence, c'est pas aussi fort, mais quand même, donc ça te montre qu'un grand savant comme ça, donc la parole est prise en compte dans ce domaine, dans le domaine de l'ijma, dans le domaine du consensus, tu vois, donc il a dit, nous ne connaissons pas de divergence dans cette question-là. Puis le Cheikh Ibn Baz de dire, rahimahullah, et de continuer, et de conclure, en disant, il convient enfin de prendre en compte tous les actes surérogatoires non cités ici, et qui nous ont été transmis, c'est-à-dire qui nous ont été transmis de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans d'autres livres, vous avez l'occasion d'aborder ces choses-là, et de prendre connaissance de ces actes recommandés auxquels a fait référence le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il fasse miséricorde à l'ensemble des savants de la communauté. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.